L'université Kim Il-sung a mis au point cette année des méthodes d'enseignement supérieur. Surtout, les facultés de littérature et de finance ont examiné et analysé sur tous les plans des dizaines de programmes à partir des principes d'utilité, synthèse et modernisation, de façon à développer au maximum la potentialité intellectuelle des étudiants, à acquérir et mettre en œuvre plus rapidement des connaissances nouvelles. Ainsi, les étudiants travaillent et font les recherches activement pour apprendre des connaissances élargies.